Le comité de deuil national de feu Kansoktu a annoncé que la dépouille du défunt est installée à la maison de Sozan, à l'arrondissement de Potonggang, Pyongyang, que les visiteurs y seront accueillis à partir de 16h à 20h du 21 mai pour les adieux avec le défunt et que le cercueil partira pour le cimetière à 8h du 22 mai.